Radio Mont-Blanc, l'agenda. Mercredi, le rendez-vous jazz incontournable entre la France et la Suisse est de retour. C'est Jazz Contreband de Genève à Annecy, en passant par Annemasse. Ce réseau transfrontalier réunit une quarantaine de lieux pour faire vivre le jazz, la soul, le blues et la fusion. Cette année encore, le festival propose une riche programmation de concerts, masterclass et autres événements culturels. Le tremplin mettra en lumière de jeunes talents accompagnés et programmés sur scène. Toute la programmation sur jazzcontreband.com. Vendredi, samedi, dimanche à Annecy, chaque année depuis 2010, le High Five Festival rassemble toute la communauté du ski à Annecy. Le festival de ski, mais pas que. Entre présentations de films, conférences, sessions de dédicaces, animations et soirées, l'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor. Retrouvez le programme sur highfive-festival.com.